Voilà Valérie Levé, notre journaliste scientifique et animatrice de l'émission Futur Simple, qui est avec nous ce matin pour nous parler de la BD. On va faire une incursion, Valérie, bonjour. Bonjour Caroline. On va faire une incursion dans le monde de la bande dessinée, c'est intéressant. Puis là, je dis, oh mais quoi, le Je vois tes yeux qui pétillent, mais qu'est-ce qu'elle veut donc dire? Ben, hey, moi, je suis pas là comme il y en a des fans, là, je pense à Pierre Blais, Tania Beaumont, qui sont... Ben, Raymond. D'ailleurs, Raymond, je le salue, qui a aidé le bénévole... Il a remporté un prix de bénévolat. Oui, c'est pas une fan, mais tu sais, qui n'aime pas la BD, tu sais. Alors, mais j'ai hâte de voir sous quelle optique. Moi non plus, en fait, je suis pas vraiment une fan de BD, mais j'aime bien les mariages. Oui, c'est... Et donc, j'aime bien le mariage, science et bande dessinée, ou science et humour, ou d'autres types de mariages. J'aime bien tout ce qui est un peu à l'interface, ça fait toujours fleurir des idées un peu différentes. Ça va chercher d'autres personnes aussi. Ouais. Donc, je trouve ça intéressant. Donc, il y a des BDistes qui se font une spécialité d'illustrer la science. Donc, par exemple, on peut penser à Jacques Goldstein. Je sais pas si tu connais Jacques Goldstein, c'est l'illustrateur des débrouillards. Je connais les débrouillards, quand même. Si tu visualises c'est super bien fait. Moi, mon fils était abonné longtemps au débrouillard, puis écoute, je passais à travers. Je trouve ça sympathique, puis on apprend des choses. Exactement. Donc, il y en a qui se font cette spécialité d'illustrer la science. On peut voir aussi, j'allais dire, on peut admirer Jacques Goldstein aussi dans le magazine 4 temps du Jardin botanique, aussi dans le Québécoiseau. Un autre aussi à qui je pense comme illustrateur, c'est Martin PM aussi, qui s'est spécialisé dans l'illustration de la science, et puis il y en a d'autres. Et dans un autre domaine aussi, en fait, on sait que la caricature, ça permet d'exprimer des réflexions politiques ou sociétales autrement que par les mots. Ça nous fait passer un message, ces images qui sont caricaturistes sont capables de faire. Et c'est un peu la même chose en science. Les illustrateurs scientifiques trouvent des moyens de mettre en image des idées, des concepts scientifiques autrement que par les mots. C'est souvent très intéressant. Alors, pour en avoir un aperçu, il y a une exposition qui tourne en ce moment au Québec et qui est même en ce moment à Québec. Ah ouais. Ouais, et cette exposition s'intitule Chercheuse en BD. C'est une initiative du Consulat général de France à Québec. J'ai trouvé ça curieux, mais j'ai appris que le Consulat général de France fait régulièrement des projets d'échange culturel et scientifique. Okay. Donc, cette exposition est en ville. Alors, l'exposition, tu le disais, s'appelle Chercheuse en BD parce que c'est quoi? C'est bon, forcément des chercheuses ou des femmes qui travaillent en recherche. Exactement. L'idée du Consulat de France, c'était de montrer que les femmes participent à la science et de mettre en lumière des chercheuses du Québec et plus exactement des femmes scientifiques du réseau des universités du Québec. Donc, c'est vraiment c'est vraiment concentré sur le réseau de ce qu'on appelle l'UQU, l'Université du Québec, donc Université du Québec à Montréal, Université du Québec en Outaouais, Université du Québec à Rimouski, etc. Mm-hmm. Également, l'Institut national de recherche scientifique, l'École nationale d'administration publique et l'École de technologie supérieure qui font partie de ce grand réseau. Donc, l'Université Laval, l'Université de Sherbrooke, par exemple, ne font pas partie du choix. C'est un choix arbitraire, j'imagine, fallait trancher Il y avait des ressources limitées probablement, Il fallait faire un choix. Mais ça fait quand même 11 centres universitaires et le consulat a demandé à ces 11 universités d'identifier une scientifique porte-parole, représentante. Encore là, il y a des choix à faire. Exactement. Donc, pour faire ce choix, je ne sais pas exactement comment les universités ont procédé à l'intérieur de leur mur. Est-ce bien précis ou c'était par cas, par peut-être vote, demander qui pas, le voulait, qui avait envie de représenter l'université. Ouais. Bon, donc, je ne sais pas comment les universités ont fait, mais toujours est-il qu'il y a 11 scientifiques qui ont participé à cette exposition. Alors, parmi ces chercheuses, par exemple, il y a Isabelle Turcotte, qui est professeur de chimie à l'Université du Québec à Montréal. Turcotte ou Marcotte? Marcotte, pardon. Je m'avais écrit Isabelle Marcotte, je verrai peut-être que... Isabelle Marcotte. Claudiane Ouellet-Plamondon, qui est en sciences des matériaux à l'École de technologie supérieure. Il y a Élodie Pédron, qui est chercheuse postdoctorale, qui travaille sur les micro-algues à l'Université du Québec à Rimouski. Il y a Suzanne Léveillé, professeure de psychologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Pascal Thériault, professeur en l'apprentissage de la lecture et l'écriture à l'Université du Québec à l'UQAC. Donc tout ça, en fait, pour montrer la diversité des sujets. On n'a pas juste des profs de chimie, de physique, on a aussi en psychologie, en apprentissage. En tous les domaines. Bah, exactement. En tout cas, pas tous les domaines, mais en tout cas une variété de domaines. Et pour Québec, Pour la ville de Québec. Oui, est-ce qu'il y a une représentante? Ben oui, exactement. Donc, il n'y en a pas à l'Université Laval. Comme je le disais, elle ne fait pas partie du réseau des universités du Québec. Mais il y a Valérie Langlois à l'Institut national de la recherche scientifique, là, au centre ETE, en Basse-Ville. Elle travaille sur la pollution dans les milieux aquatiques. Et il y a aussi Nathalie, alors là, je ne sais pas comment on prononce son nom de famille. Rinfret. Oui, Nathalie Rinfret. À l'École nationale d'administration publique, et elle étudie l'implication des femmes en politique, et elle travaille aussi sur la motivation. Ah, intéressant quand même. Alors, on sait qui... Bon, maintenant, tu nous en as parlé des chercheuses, mais on ne sait pas encore qui les a dessinées, parce que, rappelons-nous, la chronique, c'est un peu ça. Exactement. Donc, ce qui est intéressant dans cette initiative, c'est que le consulat de France a voulu que ce soit des BDistes femmes qui dessinent les chercheuses. Donc, ça va dans l'heure des choses. Alors, exactement. On est dans le mode féminin. Donc, le consulat de France est associé à Québec BD. Ils ont identifié 11 illustratrices, 5 françaises et 6 québécoises. Donc, par exemple, Je veux juste une parenthèse. Oui? Dans les scientifiques que tu nous as nommés tout à l'heure, c'est pas nécessairement des françaises d'origine ou ça? Pas nécessairement. Non. Il y en a, je crois que. Parce que fille de Rimouski. Pédron, probablement. Ouais, exactement. Mais c'était pas un critère. Non, exactement. Okay. Mais par contre, dans les dessinatrice, alors là, on est... Oui, il y a eu un mixage. Exactement. Donc, 5 Françaises, 6 Québécoises. Et en fait, il y a une des Québécoises qui est en fait une Française installée à Montréal. Donc, en tout cas, moitié-moitié. Donc, par exemple, moi, je ne les connaissais pas, ces noms-là. Donc, je vais en citer quelques-unes. Peut-être que les auditeurs, les auditrices les connaissent. Donc, du côté français, on a Marie Avril, il y a Julie Gore, Avril Avila. Côté québécois, il y a Jordan Ménard, Val Bleu, Bac, Caton. C'est des noms que j'avoue que je ne connaissais pas. Ça, ceux qui connaissent sont dans le monde. Quand je disais que j'étais pas dans le monde de la BD, moi... Les gens qui sont dans le monde de la BD... Mais Bac, ça me dit quelque chose. Donc, moi, je ne les connaissais pas, mais justement, c'est ça l'intérêt des mariages. Ouais. Ça permet de connaître un autre monde. Oui, voilà. Donc, je trouve ça le fun. Et ces 11 BDistes ont chacune été associées à une chercheuse avec le mandat de représenter la chercheuse ou sa recherche. Et pour ça, elles disposaient de 2 planches et leur seule consigne, c'était de mettre la chercheuse en BD. Donc, finalement, elles avaient presque carte blanche. Exactement. Planche blanche. Ouais. Et donc, chacune y allait à sa façon, selon son style, mais aussi selon ce qu'elle voulait faire ressortir de la chercheuse. Ah, c'est intéressant. Et là, est-ce qu'on a des résultats? Ça donne quoi? J'imagine que selon les styles des BDistes, ça donne des résultats assez différents. Et toi, est-ce qu'on peut voir l'exposition? Est-ce que tu l'as vue? Exactement. Donc, pour l'instant, l'exposition, je suis allée la voir. Elle est présentée en ce moment à la bibliothèque Étienne Parent à Beauport. Et ça donne vraiment des résultats très différents d'une BDiste à l'autre, parce que, comme tu le dis, chacune a son style de dessin, de mise en couleur. Puis donc certaines ont dessiné en couleur, d'autres en noir et blanc. Je crois qu'il y en a une qui est en noir et rose, je crois. Il y en avait une qui avait une dominante rose sur sa planche. Certaines BD sont épurées, d'autres sont davantage touffues. Et puis, les BD sont différentes selon l'approche que les BDistes ont eue. Ah ouais. Donc, j'ai parlé avec 2 d'entre elles, avec Marie Avril et Val Bleu. Toutes les deux m'ont dit qu'elles ont commencé par avoir une discussion avec leur chercheuse pour connaître la chercheuse, pour connaître la personne en tant que telle, avant de connaître la recherche, la science. Elles voulaient savoir quelle personne est la femme en face d'elle. Donc, elle voulait savoir finalement ce qu'elles font dans la vie, en tout cas. Qui est la personne en face de nous. Et ensuite seulement, elles sont entrées dans le vif du sujet de la recherche. OK. Alors, c'est intéressant. Évidemment, c'est une première approche. Et qu'est-ce que, grosso modo, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que les dessins, là? Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont dessiné? Alors, je vais donner quelques exemples. Ouais, ouais. Val Bleu était associée à Élodie Pédron, qui travaille sur les microalgues. Alors, elle a fait un portrait d'Élodie Pédron et a présenté la recherche sur les algues. Bon, assez classique. Marie Avril a une approche vraiment originale. Elle était associée à Elora Setin, qui est chercheuse à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, et elle a dessiné le dialogue qu'elle a eu avec la chercheuse. Ah. Donc, oui, c'est très intéressant. Avec sur la planche, là, on les voit toutes les deux. On les voit toutes les deux en discussion, et Marie-Avril rentre dans l'univers mental de la chercheuse et découvre que Elora Setin aime le fantastique. Il se surprend qu'une scientifique puisse aimer le fantastique, et ça donne le ton à l'illustration qui dérive aussi vers le fantastique. Donc on les voit en discussion dans un fond fantastique, qui devient fantastique au fur et à mesure. C'est intéressant parce que c'est vrai que les chercheurs, chercheuses, dans ce cas-ci les chercheuses, souvent c'est des visionnaires, c'est des gens qui, ça prend beaucoup d'imagination en général. Oui. C'est pas toujours des, tu sais, comme on se l'imagine, des gens terre à terre. Ah non, pas forcément. C'est toutes sortes de personnes, les scientifiques. Donc finalement, c'est ça. Donc Marie-Avril a déconstruit un petit peu l'image qu'on se fait parfois des scientifiques comme étant des gens sérieux, pas capables de rigoler, etc. Marie-Avril, du coup, a découvert une autre façon de voir la science, et c'est ce qu'elle a représenté dans sa BD. C'est vraiment très intéressant. Il y a aussi Camille Benyamina qui a choisi d'illustrer l'enfance et le parcours scolaire de la chercheuse avec les préjugés. J'irai en science. Donc ça, c'était assez intéressant. Avrila Avila a mis l'emphase sur l'équipe de recherche autour de la chercheuse en donnant la parole aux étudiants et à leur sujet de recherche, juste en une petite phrase. Peut-être que la chercheuse avait mis elle-même l'emphase sur l'importance de travailler en équipe en science, je ne sais pas, et c'est ce que Avrila a fait ressortir. Peut-être, résultat. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que nous qui regardons l'exposition, ça nous donne différentes images de la science. Ah oui, la science, ça se fait en équipe. Ah oui, les femmes peuvent faire un parcours en science et arriver à des hauts postes. Ah oui, les chercheurs sont des êtres qui ont leur univers mental et qui aiment le fantastique, etc. Donc, à travers ces 11 approches, on a aussi 11 visions de la façon de faire de la science, finalement. Et est-ce qu'on met l'emphase aussi sur la recherche comme telle de la chercheuse? Est-ce que ça, on en sait un peu plus il y a des BDistes qui ont quasiment pas présenté le projet de recherche, juste le parcours universitaire, la carrière. C'était au choix de toute façon. Exactement. Et puis d'autres qui ont vraiment illustré la science. Donc il y a par exemple Jordan Ménard qui a illustré la genèse d'un projet de recherche. Je n'ai plus le nom de la chercheuse en question, mais donc cette chercheuse-là, elle étudie l'effet des murs sur les populations. Mon Dieu, quelle recherche, c'est domaine intéressant. Les murs dont on parle là, c'est les murs qui séparent les populations. Les frontières. Entre Israël, la Palestine, en Irlande. J'avais compris, mais je trouve ça intéressant. Et donc ça, quel effet sur les populations qui vivent à côté, qui veulent aller de l'autre côté, voire peut-être qui ont peut-être de la famille de l'autre côté. C'est le sujet de recherche de cette chercheuse-là, et Jordan Ménard a montré la genèse de ce projet de recherche, comment l'idée de ce projet de recherche est arrivée. Puis en même temps, la BD met aussi de l'avant que les chercheurs et les chercheuses n'ont peut-être pas les mêmes intérêts de recherche. Et d'où l'importance d'avoir des femmes scientifiques aussi pour élargir les champs de recherche. Ouais. C'est ça qu'on voit aussi à travers cette planche-là, donc l'approche, cette BD de Jordan Ménard. Donc c'est vraiment très varié, puis quelle que soit l'approche de la BDiste, c'est instructif sur le monde de la recherche mené par les femmes et dessiné par des femmes. Ah, c'est vraiment fascinant, je savais même pas que ça... Je suis contente que tu m'en parles. Et cette exposition-là, tu l'as vue à la bibliothèque Étienne Parent. Ouais. Donc ça, est-ce que ça se promène comme ça? Oui. Parce que des fois, il y a des expos qui se promènent d'une dans bibliothèque. Dans la ville, Donc là, en fait, ça a commencé, ça se promène à travers le Québec. Donc, c'est passé à Ottawa, c'est passé à Montréal, c'est passé, je crois, à Trois-Rivières. Là, maintenant, en ce moment, c'est à Québec. Alors, elle est en ce moment à la bibliothèque Étienne Parent, à Beauport, jusqu'au 1er mai. Et ensuite, elle va à l'ENAP jusqu'au 15 mai. Et ensuite, elle va aller dans une autre ville. Donc, nous avons jusqu'au 15 mai pour aller voir cette exposition. Bon, mine de rien, ça va vite, le 15 mai. Là, on a l'impression que c'est beaucoup. Mais c'est vraiment intéressant. Puis ça doit... C'est une autre façon de parler de la science aussi, puis de parler des chercheuses. De voir les coulisses de la science. Qui sont ces personnes-là, en particulier des femmes scientifiques? Qui sont ces femmes scientifiques et comment la science se fait? Donc, c'est intéressant. Puis en même temps, on découvre des BDistes. Puis moi, j'ignorais mais ce serait, complètement. Mais ce serait un beau projet de mettre ça en livre aussi. Je ne sais pas si éventuellement... Ce serait bien, oui. Ce serait chouette. Hein? Ben, effectivement. Moi, je me souviens d'avoir découvert la... Ben, pas découvert, mais là, justement, là, avec les débrouillards, c'est une façon, la BD... Ça attire exactement, ça accrochait bien les jeunes. C'est une belle façon de parler de science, entre autres. Mais merci beaucoup, Valérie. C'était vraiment intéressant. Ça m'a fait bien plaisir. Bon, je t'invite à rester là si le cœur t'en dit. Il y a Francis Boucher qui s'en vient de l'autre côté de la pause. À tout de suite.